On va parler d'NFL avec notre ami Tony Guzzo. Salut Tony. Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien. Le besoin n'a pas été long, hein? Ça, je t'avais dit on va se parler au besoin, mais là, c'est incroyable. Ouais, là. Ben la NFL ne dort jamais, ouais, Danny, effectivement, c'est pour ça. Effectivement. Donc, en fin de semaine, tout ce qu'on se passe, c'est les combines. Oui. Les tests d'habileté pour les gens qui se posent des questions très plates à écouter en passant. Tout à fait. Ça, j'ai jamais vu que. J'ai essayé de m'en intéresser, mais je suis pas capable. Là. Honnêtement, là, mais je suis conscient que c'est important d'en parler parce que il y a des millions qui peuvent se perdre là lors de cette fin de semaine-là. Et si tu réussis pas un bon test des tests d'habileté, ça peut te faire reculer de différents rangs. Là. Tout à fait, puis c'est le centre d'attraction, donc l'objectif pour la NFL, c'est de réunir les 300 meilleurs prospects à un seul endroit. Ouais. Là, toutes les équipes sont là en ce moment, j'ai au coin de l'œil à télé, ça passe sur NFL Network, toutes les équipes sont là, ils évaluent. C'est sûr que pour nous, les spectateurs, c'est vraiment plate, là, que dans un sens. Faut dire que c'est parce que NFL Network n'a rien, là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est la NFL, hein. Ils veulent tout, tu sais, en faisant ça, on a remarqué par la suite, même le hockey le présente, il n'y a pas de combine pour le baseball, je crois, je sais pas si tu peux me corriger. Ouais, le basket, c'est ça. Donc, c'est un week-end où ce que, cette année, c'est 338 invités qui ont été, qui sont présents en fin de semaine. Donc, c'est des tests autant physiques, il y a des évaluations, des tests d'habileté spécifiques, là. On n'ira pas en détail, là, mais pour chaque position, il y a toujours des tests qui sont intéressants pour les équipes. Il y a aussi des tests psychologiques. Puis aussi, les équipes qui en profitent pendant ce week-end, ils ont le droit de faire des entrevues. Donc, dans des salles de réunion, les chambres d'hôtel, les équipes ont l'occasion de faire une entrevue avec ces joueurs-là pour justement préparer le prochain repêchage. Que je parlais que Stéphane Cadorette avait le droit de me parler. Il m'en avait fait un, parce que lui, il est là-bas, là, à Indianapolis, puis il me disait que c'était terriblement gros. Puis ce qu'on voyait à TV, puis ce qu'on voit sur place, c'est carrément différent. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, tout le domaine de la NFL, les sports, ouais. Même dans le stade, il appelle ça un radio row, là, donc tous les postes, tous les de radio, de podcast, de télévision sont là. C'est vraiment gros. Sauf que il y a quelque chose faut vraiment dire à nos spectateurs, nos auditeurs, c'est que l'année passée, dans le repêchage de 2018, il y a 38 joueurs qui n'ont pas fait le combine, qui ont été repêchés. Donc, on parle de 14,8%, à peu près 15% des gens qui sont repêchés, ils n'ont pas participé au combine. Et comme tu l'as très bien dit, Danny, il n'a que malheureusement, à cause du combine, ben, ils n'ont pas réussi. Soit qu'ils tombent du premier tour au deuxième tour, parce que l'objectif est de se faire... C'est ça. L'objectif est de se faire repêcher à la première ronde pour avoir tous ces millions. Mais l'année passée, sur les 300 cuts, là, je pense qu'il y en avait autant, là, 320 l'année passée, ben, il y en a 118 qui n'ont pas été repêchés. Donc, on parle 35%. Le tiers des gens qui se présentent au combine ne se feront pas repêcher. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment un spectacle pour la télé. Puis personnellement, les gens, il y a bien des philosophies différentes. Je pense que les connaisseurs de football, puis je me souviens pas qu'est-ce que Stéphane en pense là-dessus, là, mais c'est pas vraiment, faut pas se fier un qu'au combine pour repêcher ton futur joueur, parce que il faut voir des vidéos en situation de jeu, parce que ça là, malheureusement, tu vois, en ce moment, je regarde, là, c'est le fameux sprint de 40 verges. Là. Tu sais, tu fais pas un sprint de 40 verges sur un terrain de football. Donc, c'est sûr, il faut qu'il t'évalue différentes facettes du jeu. Puis l'important, c'est... Puis l'entrevue, c'est ça qu'on voit pas à la télé. L'entrevue avec l'équipe et tout seul avec le joueur est très intéressant. La vidéo de ces joueurs-là en situation de pression ou contre de grosses équipes au niveau universitaire vont évaluer pour ces équipes-là. Là. Je te dirais même que c'est plus important la fameuse... La fameuse, comment dirais-je, l'entrevue. Si le gars a une tête sur les épaules, Oui. Je suis pas sûr, moi, que Laurent Duvernay-Tardif, s'il n'y aurait pas eu une tête sur ses épaules, qui serait dans la NFL actuellement. Ben, t'apportes un bon point. C'est un très bon exemple. Puis, ouais. Je me souviens pas. Oui, il a fait le combine, je pense, ouais, Laurent. Mais je veux dire. Mais, sûr qu'il a performé, en entrevue, là. Tu sais, je veux dire. Puis c'est très. Puis on en rit aussi, là, tu sais, le dernier film, Draft Day, là, avec ouais. Kevin Costner, là. Mm. Ben, il y a un petit clin d'œil de qu'est-ce qui se passe, là, en arrière, là, dans le backstage, comme on dit, là, quand on présente, on donne le livre de jeu à un joueur, puis on va voir s'il lit ou il lit pas. Mais, tu sais, je pense que oui, mais comme plusieurs le disent, malheureusement, c'est un spectacle à la télé. Oui, il y a des données intéressantes, là, parce qu'on est dans l'ère des statistiques avancé, là. Mm. C'est sûr que si, tu sais, la fameuse course du 40 verges, là, ben, tout le monde prend la donnée des 10 premiers verges pour voir comment que, tu sais, il pousse fort, puis comment qu'il sort, tu sais, de ses appuis, là. Donc, il y a vraiment des données qui sont intéressantes pour les équipes, mais ce n'est pas rien que le combine, là, pour le repêchage. Un gars comme Kyle Murray peut gagner ou peut perdre beaucoup, en fait. S'il gagne, c'est un corps de petite stature. Déjà, il y a beaucoup de points d'interrogation autour de lui. Kyle Murray, s'il fait un bon combine, lui, ça peut être payant, par exemple. Oui, puis je suis très surpris parce que là, ça officiellement, il a pris la décision de ne pas aller en baseball. Là. Ouais. Il veut mettre toute l'énergie au football. On va voir comment il va réagir parce que moi, personnellement, c'est beaucoup de pression qui se met. Là, je me souviens plus dans les premiers. Je sais pas s'il va même lancer dans les tests d'habileté. Là, on n'était pas sûr s'il va lancer ou pas. Donc, tu sais, des fois, il se présente puis il fait même pas les tests intéressants. Mais je pense que les équipes vont vraiment s'asseoir avec lui. Je pense que c'est l'entrevue, puis voir comment qu'il réagit quand ils vont présenter des situations de jeu, les X et les O, là, les O comme on dit, là, on va voir, mais t'as vraiment, t'apportes un bon point, mais je sais pas si... Ben, en tout cas, il va sortir en première ronde, mais pas très tôt, là. Ouais, c'est ça. Il y a même des rumeurs que peut-être mes Dolphins vont le prendre. Parce que ceux qui ont besoin d'un corps arrière, là. Yes, c'est Mike Maycock, qui est le nouveau directeur général des Raiders, qui est allé le voir avec John Gruden. Mike Maycock, qui était une espèce de gourou du recrutement. Qui est rendu directeur général des Raiders d'Oakland, qui est allé le voir pour voir un peu son talent. Gruden, apparemment, il a été dessus, tu vois, sur le football. Tu sais, il y a encore du monde qui ouais, ça peut faire reculer pas mal. Tu apportes un bon point, Danny, comme on dit, à surveiller là, pour en fin de semaine, puis le prochain repêchage, les deux personnes qui vont avoir beaucoup de pression, puis qu'on va garder de très près, c'est John Gruden, parce qu'il y a plusieurs choix, puis on va voir Kyler Murray, où ce qu'il va sortir, puis tu as absolument raison, hein, c'est sûr qu'ils vont poser la question s'il va rester au football, puis c'est vraiment intéressant. OK. Tony, je veux parler de très déçu de mon propriétaire. Très, très, ouais. Très déçu. Quand tu dis là, que la graine... question de la graine, là. Peux-tu dire que le génie est en option? Robert Kraft, quel toto! Excuse-moi, là. Autant je l'aime comme propriétaire des Pats, moi, je trouve que... Écoute, les Pats, ça commence de haut. Moi, je suis la philosophie de l'école... Une bonne organisation, ça commence par le haut, puis ça se termine vers le bon. Regarde avec les sénateurs d'Ottawa, c'est un peu ça. Là, les sénateurs d'Ottawa, oui. Le diable est au vache avec Jim Melnick. Les Alouettes, c'est la même affaire. Il n'y a jamais eu de controverse autour des Pats. Ben non, c'est deux semaines après, c'est le propriétaire qui se fait prendre. Mais, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça va laisser comme. Moi, je dis que les Pats, ce qui est triste avec les Pats, c'est que c'était quoi? C'est les petits détails, la discipline. C'est ça, les Pats, là. Oui, puis c'était le seul que je m'attendais qu'il n'y aurait pas eu de problème, puis malheureusement, malheureusement, c'était les Patriots, là, ils se font niaiser, là, entre guillemets, là, puis là, oui, ils ont eu des grosses équipes, mais il va y avoir le fameux Astérix, même s'ils ont été champions, même si ça a été une dynastie, ben, ils vont parler du Deflate Gate, ils vont parler du Video Gate, puis là, Robert Kraft, puis je peux pas comprendre. Je sais, là il y a les aspects de la vie, là, il y a une vie personnelle, là, mais là, à un moment donné, tu sais que. Ben, c'est un gars qui vaut 6,6 milliards de dollars. C'est le propriétaire des Patriots. C'est le propriétaire de la MLS, le Revolution, ouais, de l'équipe. C'est le propriétaire du stade. Puis là, ça a l'air, il est propriétaire du Kraft Group, qui est une compagnie de data, de statistiques avancées, haute technologie. Le gars, il est plus qu'une vedette, comme Kim Kardashian, là, tu sais. Mm. Les paparazzi sont partout. Et là, j'ai bien hâte de voir ça parce qu'il y a eu des cas dans la NFL. Il y a eu, tu sais, comment il s'appelle, Richardson, là, avec son cas, ouais, d'harcèlement sexuel au travers là, des Panthers, là, qui a dû vendre son équipe là, par la suite, en plus d'une amende de 2,7 millions. Puis, je suis convaincu, Roger Goodell, il s'est levé quand ça a été annoncé. Je dis pas encore eux autres. Ouais. Tu sais, pas encore les Pats. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que là encore, il n'a pas été jugé coupable. Ça a l'air qu'il y a plein de vidéos qui vont confirmer. Il va les meilleurs avocats. Ouais. Dans les faits, je pense. Ah oui, oui. Dans les faits, je pense que ça ne fera pas grand-chose. Il y a un médecin qui a dit, c'est la dernière fois que tu le vois, tu ne le verras plus sur les lignes par les caméras. La NFL va être très... Ah non, c'est ça. Va être très sévère. Puis je suis convaincu parce que là, dépendamment, c'est sûr qu'on va avoir droit, tu sais, est-ce qu'ils vont essayer de faire une entente à l'amiable? J'en doute parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette affaire-là. Mm, mm, mm. C'est quelque chose de gros, puis lui, il est là-dedans. Là, tu sais, on parle d'une centaine de personnes, du trafic humain. Donc, moi, je m'attends tu sais, je veux dire, comment il s'appelle, De Bartolo, il avait été suspendu un an pour une affaire de d'omission de paiement. Je m'attends à une suspension, puis... Est-ce que ça pourrait même aller que la NFL pourrait forcer Robert Kraft à remettre l'équipe à son fils? Ben, moi, je pense que dans la nature de qu'est-ce qui va être, si c'est vraiment, s'il est vraiment coupable, là, on le verra plus, là. C'est aussi pire que Richardson, là, parce que là, ils ont des cas, là. Il y a Jim Irsay, tu sais, qui a été suspendu 6 matchs parce qu'il s'est fait pogner en état de drogue, là. Tu sais, tout ça, là. Bon. Il va avoir des conséquences, mais s'il est vraiment là, coupable, puis il fait partie de tout ce... C'est quelque chose de grave, là. Ouais, fait que si c'est prouvé, faut qu'il laisse à son gars, puis on le verra plus, là. Ouais. Dernier point, je vais t'emmener. Je n'en ai pas parlé de Record, mais tu dois avoir une opinion pareille avant d'entrer en... Colin Kaepernick, c'est arrivé la semaine passée. On parle d'une entente entre 60 et 80 millions à l'amiable. Qui a gagné là-dedans? Est-ce que c'est les 49ers, pas les 49ers, mais je veux dire la NFL ou Kaepernick? Ah, c'est Kaepernick qui a gagné. Ouais, hein? Oui, parce que là, ça, c'est, moi, j'appelle ça acheter la paix, là, puis là, il voulait mettre fin à ça, mais Kaepernick a gagné là-dessus. La NFL, malheureusement, dans un sens, ils ont peut-être raison. Tu sais, je veux dire, faut pas mélanger politique et tout ça, là, mais ils voulaient arrêter d'en parler. Fait que ils ont fait une entente, puis ils ont donné plus que peut-être qu'il méritait d'avoir, là, puis là on passe à autre chose, là, parce que là c'est incroyable, là, ça fait des années, là. Ouais. Moi j'appelle ça c'est trop long, là. On arrête, on passe à autre chose, puis on va souhaiter que là il a refusé on parle la légalience. Fait que moi je m'attends à le voir à la XFL, puis moi je suis prêt à mettre un petit 2$, là, il fera pas mieux. Il fera pas mieux, ben, c'est ça, c'est 3 ans qu'il a perdu la GameShield. Et il a perdu la game shape, puis c'était pas... c'était un bon corps, mais c'était pas un... Il faisait pas partie de l'élite. Il faisait partie de la deuxième... le deux tiers. Ouais, le deux tiers, c'est ça. Le deuxième tiers, ouais, c'est ça. Là, ben là, c'est sûr qu'il a perdu 3 ans de sa carrière. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a eu en entente? C'est comme son salaire pendant qu'il jouait pas. Tony, on s'en parle dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Je pense que c'est quelque chose comme la semaine prochaine, dans 2 semaines, je pense. Le 13 mars, c'est la nouvelle année de la Ligue. Fait que c'est la semaine prochaine que ça commence. Donc, on a bien hâte de voir. C'est ouais, Nick Foles, c'est fait, la rumeur dit que ouais, c'est les ouais, Jaguars. Mon chum Alexandre Gauthier va être très heureux. Mais Nick Foles, en tout cas, là, je me trompe, ça a toujours été trop bon pour être deuxième, puis pas assez bon pour être premier. Il a eu sa chance, Nick Foles. Oui. Mais en attendant, il faut que tu ailles chercher un autre carrière, d'après moi, pour compléter. Oui. Puis il faut rajuster le système. Ouais. T'as-tu remarqué, Nick Foles, il est allé partout. C'est seulement le système des Eagles qu'il a bien performé. Tony, on s'en parle bientôt. Notre ami Tony Gousseau. Merci, Danny. Le Bit NFL, la référence, une des bonnes références au Québec maintenant.